On arrive comme la mort, c'est mieux je te dis à la gueule. Je suis pas venu participer, acteur principal du scénar. T'as beau jurer le Coran, tu vas caler dans la choc. Je suis consistant comme le check, faut une tempête quand y'a choy. Tempête gaffe tout le skill, je fais pas gaffe aux pétasses d'insta, je suis dans le Joe tu. À part devenir une grosse tête, y'a rien qui me parle. À part les culs et grosses fesses, y'a rien qui me charme. Et mais c'est pas la paix, c'est un an plus tard, tu m'apprécies, tu veux baiser pour du buzz, mais je te fais même pas la bise. Je suis attendu au tournant, ça veut m'enterrer, c'est terrible. Mais pour m'enterrer, faut passer par le quartier. Et c'est terrible, tellement terrible que je vais péter si je le mérite. Eux ils sont morts dans la série, je les connais pas, c'est des Tommy. Traîner entre Tommy, c'est des tapes, mais je te promets, ils vont jamais l'avouer, moi je suis plus fort qu'eux. Toi t'es mon frère donc je vais pas compter. Je suis issu de la rue, je suis un mec d'en bas. Dans les poches et mon caleçon j'avais de la moula que de la moula gras. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula bas. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula. C'est petit comme Messi, doucement imbécile. Et c'est agressif, ma moula fait grossir. La moula boy. Je vais même te livrer, je suis devant ta porte, pour toi c'est important. La moula boy. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula boy. Fume-le, fume-le. C'est de la moula, boy. Bruyant comme avant, t'adores, c'est nous les premiers quand faut faire la guerre. J'suis dans le bar la plus tu en peste, ça parie des sommes plus qu'astronomiques. J'ai débité des demi-bénés, cellophane, tout. Répondu au comment tu vas finir dans le trou, trou. Totam les rentrées dessous, je veux les clés du cabriolet, mais le monde est autour. Et pas pote que le bif on récolte, je reçois plein de nudes dans mon phone. Père rien, je prends tout, je viens d'en bas. Et puis au pif on t'emballe. 4-4 black bat, tu vas finir dans le coffre. Tu payes tes dettes ou piou piou piou. Toi t'es mon frère donc je vais pas compter. Je suis issu de la rue, je suis un mec d'en bas. Dans les poches et mon caleçon j'avais de la moula que de la moula gars. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula boy. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula. C'est petit comme Messi, doucement imbécile. Et c'est agressif, ma moula fait grossir. La moula boy. Je vais même te livrer, je suis devant ta porte, pour toi c'est important. La moula boy. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula boy. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula boy. Toi t'es mon frère donc je vais pas compter. Je suis issu de la rue, je suis un mec d'en bas. Dans les poches et mon caleçon j'avais de la moula que de la moula gars. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula boy. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula. C'est petit comme Messi, doucement imbécile. Et c'est agressif, ma moula fait grossir. La moula boy. Je vais même te livrer, je suis devant ta porte, pour toi c'est important. La moula boy. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula boy. Fume-le, fume-le. Fume cette pilon, c'est de la moula boy.